professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. À qui appartient la beauté? Quel regard posent les cinémas chinois, américains et russes sur les œuvres d'art déplacées ou spoliées? Que dire à ceux qui, hors de la maison, ont été privés de leurs biens par les violences ou les asymétries de l'histoire, demande l'historienne de l'art Bénédicte Savoie. Comment supporter que le capital symbolique et réel que génèrent les musées ne fasse l'objet d'un partage, s'interroge-t-elle encore? Quelles sont nos émotions individuelles et collectives face aux œuvres d'art? Quelles germinations, fécondations esthétiques suscitent-elles? Bénédicte Savoie, professeure à la Technische Universität de Berlin et titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe 18e siècle, 20e siècle au Collège de France, nous entraîne depuis sa leçon inaugurale dans une vaste et complexe enquête autour du destin et des déplacements des biens culturels, ces objets du désir, comme elle les caractérise, qui peuvent être ôtés de leur lieu de création en toute légalité, ou spoliés, sinon volés, en période de guerre, dans le cadre de sa série intitulée « À qui appartient la beauté? Arts et cultures du monde dans nos musées ?» Cette simple question en apparence « À qui appartient la beauté ?» revient sans cesse comme l'obsédant refrain d'une fable tout au long de sa série. Et comme dans les fables, sous l'abord facile se nichent bien des situations complexes. Et les questions soulevées par Bénédicte Savoie reste bien souvent ouverte. Aujourd'hui, et comme dans la suite de sa série, elle nous fait épouser tour à tour le regard de celui qui est ébloui, de la juste fascination jusqu'à la convoitise qui mène au ravissement et au vol, et elle nous montre le point de vue des dépossédés, leur tristesse et leur indignation. Entre les extraits en VO des films de propagande qui rendent compte des opinions et des débats passionnels, elle livre les belles pages de l'avocat Cicéron, engagé par les Siciliens pour plaider contre le vil magistrat spoliateur Verrès. Ici, nous dit-elle, nous sommes face au premier grand texte sur les translocations des œuvres en 70 avant Jésus-Christ. Concernant le tournant de l'époque moderne et la période contemporaine, l'historienne souligne que l'accumulation primitive de capital culturel dans l'Europe du XVIIIe au XXe siècle offre sa face sombre et sa face lumineuse. Dans sa leçon inaugurale, elle en a donné de beaux exemples. Exceptionnellement, j'en ai gardé trois en réserve que je vous propose comme un lien entre les interrogations de la leçon inaugurale sur les objets du désir et le désir d'objet, et le grand cours d'aujourd'hui, grand cours d'introduction où elle confronte les différents regards. Les œuvres qui traversent les siècles, telles des immortels et des universels, croisent les temporalités et les préoccupations des mortels, c'est-à-dire nous les spectateurs. Même singulières et sans âge, ces œuvres peuvent nous ressembler, nous pouvons nous identifier ou rêver sur elles. Ainsi Apollinaire face à l'hôtel de Pergame reconstitué à Berlin d'un côté, et les avant-gardes et la presse populaire allemande face au buste de Nefertiti avant la Première Guerre mondiale. En 1901, c'est à Berlin que Guillaume Apollinaire écrit l'un de ses premiers essais littéraires. Il a 20 ans, il fait un tour d'Allemagne avec une famille qu'il a engagée pour donner des cours de français à une gamine. Son contrat est d'un an, il n'ignore de quoi l'avenir pour lui sera fait. À Berlin, le musée de Pergame vient d'ouvrir au public. On y voit une reconstruction grandeur nature de l'hôtel de Zeus, découvert par des archéologues prussiens 20 ans plus tôt dans la province d'Izmir de l'actuelle Turquie. L'hôtel est orné d'une frise monumentale, la gigantomachie, qui représente la victoire des dieux sur les géants, c'est-à-dire de l'ordre sur le désordre. La frise est faite de 120 plaques de marbre hautes de 2,30 m. Apollinaire se plante devant elle. Il écrit, dans un mélange d'enthousiasme face à la beauté sauvage de l'œuvre et de férocité caustique à l'égard des Allemands, « Mais que cela est beau. Quel magnifique poème de Pierre. Les dieux olympiens terrestres, marins et infernaux, les animaux, les géants, les monstres entremêlent furieux leurs membres parfois mutilés. Les torses des déesses se cabrent sur les bras des héros. Des faces se crispent, des bouches mordent. Cette œuvre, que des artisans sculptèrent dans de la pierre de grains très gros, sent tellement sa divinité que le voyageur, oubliant la foule des visiteurs à moustaches en crocs et des femmes très laides, espère l'heure où mugiront les taureaux des hécatombes. » Le texte est publié par la Revue Blanche. Il marque le début de la carrière littéraire d'Apollinaire. À Berlin, donc, en 1901, la créativité sauvage des Grecs du IIe siècle avant Jésus-Christ vient croiser celle d'un jeune homme un peu déboussolé, né à Rome de mère polonaise et d'un père italien, et de cette rencontre au musée, et d'autres bien sûr, émerge l'une des plus grandes voix de la littérature française au seuil du XXe siècle. Autre exemple, l'art égyptien de la période d'Amarna dans le Berlin déjanté de l'avant-première guerre mondiale. La période d'Amarna, c'est ce court moment de rupture dans l'histoire de l'ancienne Égypte, quand le pharaon Akhenaton décide d'abandonner les dieux, la capitale politique et l'esthétique de ses prédécesseurs pour imposer une nouvelle capitale, un nouveau culte et un nouvel art. En 1912, un atelier berlinois qui avait fait ses études à la Technische Universität de Berlin découvre lors de fouilles l'atelier intact d'un sculpteur d'Amarna. Y sont entreposés des outils, des modèles, une vingtaine de portraits, dont celui de la reine Néfertiti, et des moulages en plâtre. Avec l'accord des autorités françaises, qui administrent alors les antiquités d'Égypte, l'ensemble est expédié à Berlin et exposé dans sa presque totalité sur l'île des musées pendant l'hiver 1913-1914. Les avant-gardes artistiques et la presse populaire sont médusées. Le réalisme radical de ces visages sortis de la nuit des temps, mais qui ressemblent tellement, comme elles le pensent, aux gens de 1913, transforme l'art d'Amarna en objet politique. Les journaux insistent sur le caractère démocratique de cet art pour tous, qui procure des émotions très fortes, même aux plus incultes. Les revues marxistes se félicitent de retrouver dans ces sculptures les distinctions sociales qui les occupent par ailleurs. En janvier 1914, les Sozialistische Monatshefte, les cahiers mensuels socialistes, expliquent ainsi que les visages d'Amarna ressemblent à ceux, je cite, de n'importe qui dans la rue. Que les uns sont comme un ultime filtrage aristocratique de l'espèce humaine, tandis que les autres, les plâtres, semblent avoir été moulés, je cite, sur des prolétaires. Dans cette même leçon inaugurale où les Français, depuis la Révolution de 1789, au nom d'un idéal démocratique d'accessibilité des œuvres et d'affirmation de la puissance républicaine, apparaissent comme les champions des translocations, entendaient les déplacements des biens culturels pour nourrir leurs musées. Quand la puissance américaine se déploie un siècle plus tard et que l'appétit des États-Unis pour les œuvres européennes s'affirme, Bénédicte Savoie nous livre l'indignation d'un avocat français qui voit sa région, son pays dépossédé. Je prends un exemple français qui parle aux Français, mais qui concerne alors toute l'Europe. Nous sommes dans les années 1920, la puissante Amérique vient de prendre le leadership mondial. À Toulouse, un jeune avocat du barreau prononce à la séance de rentrée des avocats stagiaires un discours aussitôt primé, publié et largement diffusé. Son titre, l'élégynisme. par référence au conte d'Elgin, celui des frises du Parthénon à Athènes. Mais dans l'elginisme du jeune avocat toulousain, il n'est question ni de Grèce, ni d'Angleterre. C'est l'Amérique et ses dollars qui tourmentent le jeune homme. Monsieur le bâtonnier, messieurs, armé de son calepin et de son Kodak, un brocanteur de bas étage, aux talons usés, aux pantalons élimés, a parcouru la ville et la contrée. Il a noté tout ce qui lui paraissait antique et a communiqué ses découvertes à son correspondant à New York. Des merveilles de notre architecture, universellement connues, visitées et décrites, sont chaque jour arrachées du sol français pour être exportées vers d'autres continents. Certes, il est nécessaire que quelques-unes de nos plus belles œuvres aillent au loin servir d'ambassadrices de notre goût et de notre civilisation. Ce qui, par contre, devient intolérable, c'est qu'avec méthode, l'étranger vienne défigurer chez nous ce que le grand Ruskin appelle le visage aimé de la patrie. Hélas, messieurs, c'est pourtant le triste spectacle que se déroule devant nos yeux. Jadis, on détruisait parce qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on détruit parce que l'on apprécie à sa valeur vénale, ce qui a surtout une valeur d'âme. N'allez plus à Sens pour revoir les grandes fenêtres flamboyantes du réfectoire des Jacobins devant lesquelles Jacques Clément, ce moine demi-fou, méditait déjà l'assassinat du roi Henri III. Ces ouvertures aériennes ont été vendues 20 000 francs à une grosse dame américaine qui doit en éclairer une salle de musique. La porte d'Abbeville vient de quitter sa cour François Ier pour une destination inconnue. L'escalier gothique qui élevait si pittoresquement ses trois étages de boiserie dans une cour de Morlaix, se trouve aujourd'hui intégralement dans un musée de Londres entre un projecteur électrique et un radiateur de chauffage central. À Villeneuve-les-Avignon, vous ne retrouveriez plus la belle croix, elle est depuis 5 ans à New York, et c'est un miracle si l'ancienne abbaye de Moissac conserve encore ses remarquables fresques du XIIIe. Ainsi, en biffant des guides, ce qu'on ne peut plus voir chez nous, on écrirait toute l'histoire de notre art français et la liste serait longue des pertes irréparables qu'a subies notre pays. À l'issue de ce texte engagé, Bénédicte Savoie notait qu'il ne fallait pas tout confondre des spoliations de guerre ou des fouilles archéologiques ou des acheteurs en quête de bonnes affaires. Mais elle en appelait néanmoins à poser les questions qui fâchent, à un travail d'introspection patrimoniale en Europe. Dans sa leçon inaugurale, elle notait, et je la cite une dernière fois, « Depuis l'Antiquité, les dépossédés ont une parole. Elle est sans doute moins facile à saisir pour l'historien européen que le discours des vainqueurs. Mais cette parole existe et forme en matière de biens culturels déplacés le terreau des revendications contemporaines. Nous y voici, du sac du Palais d'été en Chine aux spoliations russes de la Seconde Guerre mondiale, vues par le cinéma. » Et nous gagnons le Collège de France le 19 avril 2017 pour le cours de Bénédicte Savoie, « À qui appartient la beauté ?» Introduction. Cette fois, cette question « À qui appartient la beauté ?» s'inscrit dans la lignée d'une série de conférences que j'avais eu la chance de donner il y a 2 ans à l'invitation de Carlo Ossola, qui avait posé une série de questions sur les translocations patrimoniales, sur les déplacements d'œuvres d'art forcées en temps de guerre, des questions comme les émotions liées à ces questions de translocation, l'argent des translocations, les fécondations esthétiques qu'elles amènent ou qu'elles n'amènent pas, ou la mémoire des pertes de biens culturels dans les différentes sociétés où elles se produisent. Cette fois donc, je voudrais, dans le même genre de questions, m'intéresser à ce qui concerne l'appartenance réelle ou ressentie, l'appartenance juridiquement fixée ou querellement revendiquée d'objets. Et puis avant de continuer à parler trop longtemps et d'entuyer tout le monde, permettez-moi de vous précipiter in medias res. Ce que vous allez voir dans un instant est un clin d'œil à Antoine Compagnon qui vient de finir un cours ici intitulé « La littérature comme sport de combat ». Eh bien vous allez voir, la littérature et la sociologie ne sont pas les seuls sports de combat enseignés au Collège de France. Le patrimoine est aussi un sport de combat, et pas des moindres, je vous laisse en juger. Je me trouve actuellement sur la place du Trocadéro où les manifestants se sont manifestés. La société MP Corporation est accusée de participer à... Suite à la guerre, il y a plus de 150 ans, mes ancêtres ont rapporté certains trésors qui ne m'appartenaient pas. Et à chaque fois que je pose les yeux sur ce bronze, Il ne devrait pas être la propriété d'une ou deux personnes. Mesdames et messieurs, il n'en existe que 4 exemplaires dans le monde. Et oui, vous l'avez reconnu, Jackie Chan, il s'agit bien de Jackie Chan, qui dans cette bande-annonce mobilise ses muscles légendaires, son intelligence non moins légendaire et sa pugnacité pour récupérer en France, au début du XXIe siècle, des œuvres d'art spoliées à la Chine au XIXe siècle. Coproduit par Hong Kong et la République populaire de Chine, sorti en Chine en 2012, le film Chinese Zodiac, ou CZ12, est en dépit de son propos et de ses dialogues très rudimentaires, ou précisément parce que le propos et les dialogues sont rudimentaires, un document précieux pour aborder les questions qui nous occupent. Et en général, les films sont des documents précieux pour traiter de ces questions. Depuis les années 1960, en effet, et en particulier ces dernières années, ces 5 ou 6 dernières années, ces films sont de plus en plus nombreux à aborder explicitement ou implicitement la question qui nous occupe aujourd'hui, à qui appartient la beauté dans nos musées. À mi-chemin entre histoire, mémoire, émotion et construction identitaire, ces films avancent au même rythme que l'historiographie, mais sur un mode différent, un mode visuel, en utilisant des images en mouvement qui sont aussi en mouvement que les œuvres d'art dont ils parlent. Ces films témoigne de la place de plus en plus importante que la question occupe dans la conscience et l'imaginaire collectif, et en particulier dans les milieux de la jeunesse. Ils contribuent à former, parce qu'ils sont vus par un très grand nombre de personnes, parce qu'ils sont traduits, parce qu'on peut les voir aussi sur Internet, les opinions collectives sur ce sujet. Tout le monde, en Europe, aux États-Unis, a en mémoire le film Monuments Men de George Clooney, coproduit par l'Allemagne et les USA, et sorti en 2014. Je vous montre quelques affiches d'autres films dont le rayonnement international est moindre, mais qui méritent quand même notre attention. Un film ukrainien, par exemple, qui porte plusieurs titres. Son titre anglais, c'est « Le sang de la guerre » d'Alexander Berezan, tourné en 2011, où il est question, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, d'universitaires ukrainiens qui sont chargés par Staline de cacher en lieu sûr les pièces les plus importantes du patrimoine russe qu'Hitler essaye de s'approprier. Ce grand nombre de films, ce sont simplement 2 exemples, on pourrait les multiplier, on pourrait faire plusieurs années de cours sur ces films. Ce grand nombre de films sur la question est une invitation pour moi, ici, de mettre à profit les conditions techniques exceptionnelles qu'il y a au Collège de France et de recourir autant que possible, dans le cadre de ce cours, à qui appartient la beauté, à ce média, ce médium, et en le mettant toujours en relation avec des sources historiques et des documents d'archives, d'une part, et avec l'historiographie la plus récente sur la question. L'intérêt de ce genre, de ces films, c'est qu'ils sont à la fois des miroirs d'événements historiques et des acteurs dans les débats actuels, puisqu'ils donnent une voix à certaines opinions. Mais revenons à Jackie Chan. Son film, tel qu'il est présenté dans la bande-annonce, est précieux à 3 titres au moins. D'abord, premièrement, parce qu'il se réfère à un épisode bien réel de l'histoire du patrimoine artistique entre la France et la Chine, ou plus généralement entre l'Asie et l'Europe. Vous vous souvenez sans doute, surtout ici à Paris, qu'en février 2009, la maison Christie's a vendu la collection de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent dans une grande mise en scène au Grand Palais. 2 têtes d'animaux en bronze issues du pillage du palais d'été de Pékin par les armées françaises et britanniques en 1860, devaient y être adjugées, et l'annonce de leur mise en vente avait suscité en 2009 un profond émoi dans l'opinion publique, les médias et le gouvernement chinois, qui avaient tenté d'en empêcher l'adjudication et d'obtenir leur restitution. Finalement, la vente avait été sabotée par un acheteur chinois qui avait refusé de payer pour empêcher qu'il soit vendu. C'est de ce qu'on pourrait appeler cette crise patrimoniale qu'est né le film de fiction et d'action de Jackie Chan. C'est donc la première raison de s'intéresser à ce document, malgré son caractère très populaire. Il part d'un événement réel qui concerne nos histoires patrimoniales jumelées. La deuxième raison de s'intéresser à ce film, c'est que la crise patrimoniale n'est pas dans ce film seulement un prétexte à des scènes multiples de poursuites, de cascades et de castagnes. Ces scènes sont nombreuses, certes, le film dure 2 heures et on en voit beaucoup. Jackie Chan a même obtenu une mention au livre Guinness des records pour le nombre incroyable de scènes de cascades dans un seul film. Mais cette question patrimoniale n'est pas seulement, je crois, un prétexte. À travers les cascades, Chinese Zodiac exprime une opinion politique forte et explicite. En fait, on pourrait penser que c'est moins la question du patrimoine qui sert de prétexte au kung-fu que le kung-fu qui sert de prétexte à faire passer un message politique à un très large public. Un message politique qui, dans le contexte chinois de l'année 2009, 2010, 2011, 2012, les années qui ont séparé la sortie du film de cet événement parisien que j'évoquais à l'instant, un contexte qui fait depuis une bonne décennie une question de patrimoine qui fait l'objet d'instrumentalisation nationaliste. À sa sortie en 2012, fin 2012, le film est resté pendant plusieurs semaines numéro 1 au box-office en Chine, en Thaïlande, en Malaisie et en Russie. Il a rapporté au total 170 millions de dollars à ses producteurs et on en trouve aujourd'hui sur Internet des versions en tamoul, en turc, en arabe, en hindi, en télégou et dans toutes les autres langues européennes. Ce film, qui n'a pas eu beaucoup de visibilité à Paris quand il est sorti, est un film que le reste du monde, et en tout cas la jeunesse dans le reste du monde, a manifestement beaucoup vu. La réponse à la question qui nous occupe, à qui appartient la beauté dans ce film, est très claire. La beauté appartient au pays, aux régions d'origine. J'y reviendrai dans un instant. La troisième raison de s'arrêter sur ce film, ou du moins sur ce court aperçu que je viens de vous montrer, c'est qu'il explique de manière, il pose de manière très très simple quelques-unes des questions qui structurent par ailleurs un débat très très compliqué. Alors, en regardant simplement ce court extrait, on voit que la question de la propriété de l'œuvre d'art, par exemple, est évoquée d'emblée. Elle est évoquée quand le vieil homme en fauteuil roulant, souvenez-vous, évoque les trésors rapportés, comme il dit, par ses ancêtres il y a 150 ans, mais qui, je le cite, « ne leur appartenaient pas ». On est bien au centre de la question. Il est l'héritier de quelque chose qui n'appartenait pas à ses ancêtres. Ou alors quand le même vieil homme regrette que les bronzes soient, je le cite encore, « la propriété que d'une ou deux personnes ». Cette question est également, dans le film, posée sur la longue durée historique, puisque le film met en relation l'année 2009 ou l'année 2010-2011, notre époque contemporaine, avec l'épisode de la guerre de l'opium en 1860. Il pose la question de la visibilité ou non des œuvres d'art. Quand elles sont la propriété d'un seul, elles ne sont pas vues par le peuple ou la communauté de l'humanité. Et elle pose aussi la question du caractère unique des œuvres originales qui n'existent pas deux fois. Et puisqu'elles n'existent pas deux fois, mais seulement une fois, dans le cas de ces bronzes, il y en a 4 exemplaires, mais chacun unique, il faut s'emparer de l'original et c'est la mission que se donne Jackie Chan. Se pose enfin, dans ce court extrait, la question du juste lieu de l'œuvre d'art avec la mise en scène spectaculaire de Paris et de la Tour Eiffel comme un lieu injuste, où la jeunesse du monde entier est réunie pour manifester et pour protester contre la présence de chefs-d'œuvre hors de leur pays d'origine. Alors, je le disais, dans ce film, la réponse à la question « à qui appartient la beauté ?» est très simple. Pour Jackie Chan et pour le groupe d'étudiants international beau, jeune, qui milite dans son film, l'art appartient au pays où il a été pris. Vous le voyez ici sur ces banderoles de la manifestation. D'une part, écrit en français « ras-le-bol des ventes de trésors nationaux », mais surtout en anglais « rendez les trésors culturels à leur pays d'origine, homeland ». On voit bien là qu'il s'agit de les rendre à leur pays d'origine et pas à leur peuple d'origine dans une logique biologique. C'est une logique géographique qui est là derrière et on verra que ça joue un rôle très important dans tous les débats plus poussés menés sur la question. Autre chose, ici, c'est moins la beauté des œuvres d'art, à qui appartient la beauté, qui est au centre du propos, mais leur valeur économique, plutôt leur valeur économique d'une part, qui est mise en scène dans plusieurs ventes aux enchères, comme vous l'avez vu, et leur valeur identitaire d'autre part, telle qu'elle se manifeste par exemple sur les banderoles où il est question de trésors nationaux. Donc il y aurait une identification nationale aux œuvres d'art pillées. Cette question à qui appartient la beauté, évidemment, n'est pas seulement et pas en première ligne un sport de combat. C'est d'abord une question, et depuis longtemps très sérieuse, qui depuis plusieurs années fait l'objet chez les archéologues, les anthropologues, les juristes, les spécialistes du patrimoine, à l'UNESCO, dans les universités, et de moins en moins rarement aussi dans les musées. C'est une question qui fait l'objet de recherches et de publications nombreuses. Je vous montre ici quelques couvertures de livres importants sur ces questions, qui portent la question dans leur titre. Vous voyez à qui appartient l'Antiquité, à qui appartiennent les pharaons, à qui appartient la culture, à qui appartient l'œuvre d'art. Des livres qui tentent de répondre à la question du point de vue contemporain. Pour James Cuno, par exemple, le président de la Fondation Getty à Los Angeles, dont l'ouvrage ou les ouvrages consacrés à la question sont des lectures importantes, pour lui, l'Antiquité ne peut appartenir à personne. C'est un héritage commun à toute l'humanité, et tout objet antique a sa place dans n'importe quel, je le cite, musée voué aux idées et non aux idéologies. L'héritage, les biens culturels du monde entier ont leur place légitime dans les musées, car ils n'appartiennent pas à une nation en particulier, mais bien à tout le monde. Cette approche muséologique se double en outre, depuis une bonne décennie aussi, de travaux juridiques axés autour des dispositions internationales de protection de ce que le monde anglophone appelle propriété culturelle. Ce que nous, on appelle en français le patrimoine, ou qu'on appelle aussi parfois les biens culturels, est appelé dans le monde anglophone et en Allemagne aussi la propriété culturelle. Et on voit d'ailleurs sur les panneaux de l'UNESCO combien les problèmes de traduction sont présents. Vous voyez en haut « Kulturdenkmal » en allemand, « Cultural Property » en anglais, « Bien culturel » en français et la version russe. En français, le terme de « bien culturel » et de « patrimoine » gomme un peu l'idée qu'à ces biens sont liés des droits de propriété qui confèrent des prérogatives exclusives. Mais il faut bien comprendre que dans le monde entier, ce sont surtout les versions anglaises qui sont lues et que l'idée de joindre la culture à la propriété, donc à des prérogatives de propriétaires, pose un certain nombre de problèmes sans doute inextricables. Je vous recommande d'ailleurs, si vous voulez vous consacrer à l'ensemble des problèmes qui se posent à l'époque contemporaine sur ces questions, un article qu'on peut consulter online de Anthony Appiah, qui est paru d'abord à New York, ou d'abord en France et après à New York, en tout cas en anglais et en français, intitulé « De qui est-ce la culture ?» et qui pose les jalons de toute la discussion. Pour ma part, je ne veux pas tenter de répondre aujourd'hui et ni sans doute à la fin du cours à cette question « à qui appartient la beauté ?». Je voudrais simplement rappeler que la propriété culturelle, donc ce que nous appelons nous le patrimoine de l'humanité ou les biens culturels, cette propriété culturelle a fait l'objet de définitions internationales fixées notamment dans le cadre de deux conventions de l'UNESCO, très souvent citées, la convention de La Haye du 14 mai 1954, destinée à la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui commence par ces termes « convaincu que les atteintes portées aux biens culturels, c'est la version française, en anglais, à la propriété culturelle, à quelque peuple qu'elle appartienne, constituent des atteintes à la propriété culturelle de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale, etc. » On voit déjà, dans cette simple phrase d'entrée en matière, combien les choses sont compliquées. On parle d'atteinte portée à la propriété culturelle, à quel peuple qu'elle appartienne. Donc on part de l'idée que c'est certes un patrimoine de l'humanité, mais qu'il appartient à plusieurs peuples, ou à certains peuples en tout cas. La phrase dit a en elle-même une tension irrésoluble. Dans le second texte, qui fixe ces questions sur le droit international, la convention concernant, elle s'intitule « La convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite de biens culturels ». Cette convention a été adoptée en 1970 à Paris. Dans cette convention, on peut lire que les biens culturels, c'est-à-dire dans la version anglaise, la propriété culturelle, est un élément fondamental de la civilisation et de la culture des peuples, et qu'ils ne prennent, les biens culturels, leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision, et qu'il est, je cite toujours, « indispensable que chaque État prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de sa propriété culturelle ». Alors là, on a tout d'un coup, et ça explique les difficultés qui existent actuellement, et en particulier du point de vue des dépossédés, d'agir et de penser ces questions. Ici, l'UNESCO nous dit que la propriété culturelle est un élément fondamental de la culture des peuples, Donc il est bien question d'un attachement entre des peuples et leur culture, qu'il y a une responsabilité éthique à s'occuper de cette propriété culturelle, et ce qui en découle naturellement, c'est l'idée que ceux qui n'ont plus cette propriété qui appartient à leur peuple doivent non seulement s'en occuper sur place, mais s'ils ne l'ont plus, aller la récupérer. On pourrait discuter pendant des heures de ces textes qui sont extrêmement contradictoires en eux-mêmes et qui ne facilitent pas le travail des diplomates, des politiques, des gens de musée. Et au contraire, ils le compliquent beaucoup. Et d'ailleurs, on pourrait aussi consacrer de nombreuses heures à la question de la traduction de ces textes, notamment qui portent des concepts comme le musée ou le patrimoine qui sont, à vrai dire, intraduisibles hors des langues européennes. Et pour tout un certain nombre de cultures qui ont été victimes de dépossession, ces concepts n'ont de propriété culturelle, de musée, etc., n'ont même pas de traduction, donc pas d'existence. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historienne de l'art Bénédicte Savoie. Aujourd'hui, à qui appartient la beauté ? Introduction. Je voudrais simplement, avec vous aujourd'hui, en embrassant la longue durée historique, tenter de cerner quelques-unes des modalités liées à la formulation du problème depuis l'Antiquité. Je vais articuler les choses en quatre temps très rapides, vous verrez. La première question s'intitule, ou le premier volet, l'amour du beau. Le second, partager ce qui est unique. Le troisième, spoliation 4.0. Et le quatrième sera simplement une feuille de route où je voudrais annoncer ce que je me propose de faire dans les séances à venir. Le premier grand texte qui met en relation la question du beau, de la beauté et la question de sa propriété est un texte de Cicéron, les discours contre Verrès. Vous voyez ici Cicéron dans un buste qui est conservé à Rome, au musée du Capitole, pardon. Cicéron, juste pour le rappeler, était avocat. Il a obtenu son premier poste à l'âge de 36 ans en Sicile, en 70 avant Jésus-Christ. Et après avoir retourné à Rome après son mandat, les Siciliens ont demandé son aide dans un procès qu'ils voulaient intenter contre un gouverneur romain qui était venu après l'époque de Cicéron pour administrer la Sicile. Petit rappel donc, pendant la première guerre punique au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, des trésors qui étaient conservés en Sicile avaient été conquis lors de la guerre par les Carthaginois qui les avaient emportés chez eux. Puis, un siècle plus tard, pendant la Troisième Guerre punique, Rome avait récupéré à Carthage ses objets, ses œuvres d'art, ses tapis précieux siciliens et les avait rendus à la Sicile en signe de bonne volonté à l'égard de cette nouvelle colonie romaine. Et moins d'une génération plus tard, Verrès, le nouvel administrateur, de la force, avec la puissance de son autorité, s'était emparé de ces objets qui venaient d'être restitués et les avait transportés chez lui à Rome. Et c'est pour se défendre de cette injustice, de cette spoliation, de cette exaction, que les Siciliens demandent de l'aide à Cicéron. Le texte, pour toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions de restitution, de spoliation, d'appartenance de biens culturels, est l'un des textes les plus importants à lire puisqu'il traite déjà de toutes les questions que nous croyons neuves aujourd'hui, la question des émotions patrimoniales, la question du marché de l'art, la question du prix juste des œuvres, la question des restitutions, la question de la violence symbolique et réelle liée aux exactions, etc. J'ai extrait simplement deux passages qui nous transportent pour le premier à Ségeste, dont Cicéron nous dit qu'il y avait à Ségeste une statue de Diane en bronze, objet depuis la plus haute antiquité d'un très grand culte, œuvre unique et d'un art parfait. Sa très grande beauté, même aux yeux des ennemis, la faisait paraître digne de la plus grande vénération. À sa vue, Verrès, cet ennemi ce pilleur de tous les biens sacrés et religieux, immédiatement, comme s'il avait reçu un coup de brandon enflammé, se mit à brûler d'un désir insensé. Verrès voit cette beauté, s'enflamme, et son désir de la posséder fait qu'il en exige la livraison. La population, les gens de ces gestes, tentaient de lui dire que cette statue appartenait au peuple romain. Mais finalement, réduits à se soumettre par le nombre des brimades terrorisées, les Ségestins décidèrent qu'il leur fallait obéir à l'ordre de Verrès. Au milieu de grandes marques de tristesse, des gémissements de la ville entière, au milieu des flots de larmes, des lamentations des hommes et des femmes, on se voit contraint d'accepter l'enlèvement de la statue de Diane. Alors, à qui appartient la beauté dans ce court extrait ? À celui qui brûle pour elle et qui a le pouvoir administratif et la violence administrative de s'en emparer, ce serait la réponse de Verrès, « Je l'aime, je la prends ». Et la réponse de Cicéron, c'est non, la beauté, cette œuvre d'art, appartient à la ville qui la vénère collectivement et qui collectivement éprouve la douleur de sa perte. C'est une œuvre qui était dans la ville, qui appartenait à la ville et qui ne peut pas être prise par une seule personne. Deuxième extrait, où on retrouve les mêmes éléments auxquels s'ajoute la question du marché de l'art et de la valeur économique des œuvres. Ce deuxième extrait nous transporte cette fois à l'est de la Sicile, à Messine, où se trouve la maison d'un riche collectionneur privé dont le nom est Eius. Eius est l'habitant de Messine, nous dit Cicéron. Sa maison est peut-être la plus belle de Messine, à coup sûr la plus ouverte et la plus connue. Cette maison, avant l'arrivée de Verrès, était ornée au point d'être, pour la ville même, l'une de ses beautés. Là encore, la question de la beauté au centre, c'est la maison elle-même qui est déjà un lieu de beauté. On y voyait quatre statues très belles, d'un très grand art et fort célèbre, capable de charmer non seulement ce Verrès, mais encore n'importe lequel d'entre nous. Tout le monde était admis à les visiter tous les jours. La maison était aussi bien un musée pour la ville que pour son possesseur. Là, on voit très clairement que la notion de musée n'est pas une invention de la Révolution française, comme on a tendance à le croire en France, mais que dès l'Antiquité, certaines maisons publiques étaient ouvertes et faisaient office de musée, même si elles ne portaient pas exactement ce nom, mais ici, dans la traduction de Germaine Roussel, elles portent ce nom. Verrès prendra-t-il partout ce qu'il y a de plus beau ? Demande Cicéron dans son plaidoyer. Je passe un petit passage et finalement, Cicéron nous dit d'un seul mot, il rejette mon accusation. Ce sont des achats, dit-il. Et en effet, arrive un grand nombre de pages où Verrès explique qu'il a payé pour avoir ces quatre belles statues. Et finalement, à la fin d'une grande discussion sur la valeur de ses œuvres sur le marché de l'art et du prix qu'a payé Verrès, est-ce que c'est un prix réel ou non, Cicéron affirme, c'est toi, en accusant Verrès, c'est toi par un simulacre d'achat, par la violence, la crainte, par ton pouvoir absolu, c'est toi qui les as extorqués et volés, ces œuvres d'art. Donc là, dans ces deux textes, ou dans ce deuxième extrait, si on cherche à répondre à la question « à qui appartient la beauté de ces œuvres d'art ?», la réponse de Verrès serait « elle appartient à celui qui a les moyens financiers de s'en emparer, celui qui l'achète ». Et Cicéron répond « non, elle appartient à celui pour qui elle n'a pas de prix, pour lequel elle a un prix affectif, et surtout qui ne la garde pas jalousement pour lui, mais qui la rend accessible à tous ». Et cet argument de l'accessibilité est l'un des grands arguments qui a été utilisé autour de 1800, quand, sous la Révolution française et l'Empire, la France a entrepris de réunir à Paris toute la beauté du monde, pourrait-on dire, en tout cas les patrimoines réunis dans les collections, y compris les collections publiques d'Italie, d'Allemagne et du reste de l'Europe. Vous voyez ici une peinture sur porcelaine de Sèvres qui représente une allégorie de l'entrée des manuscrits du Vatican, de la Vénus Médicis et du groupe de Laocoon au Louvre, en 1796, la peinture elle-même est de 1813. Cet argument de l'accessibilité et de la visibilité est lié autour de 1800 à l'idée que l'art, étant un produit de la liberté, doit être conservé au pays de la liberté, c'est-à-dire en France. Ça, c'est les discours, c'est la rhétorique. En pratique, on voit bien que Dominique Vivant-Denon, par exemple, qui a été le commissaire principal des exactions sous Napoléon en Europe, Dominique Vivant-Denon, quand il est dans un musée, explique différemment, il n'explique pas que l'art est un produit de la liberté et qu'il doit être conservé au pays de la liberté. On a des témoignages, et notamment le témoignage d'un directeur de musée allemand qui conservait un très grand nombre, dans un musée public de Brunswick, un très grand nombre de majoliques, donc de plats peints et de grandes assiettes, et de grands plats et peints du XVIe siècle, que Vivant-Denon, un peu comme Verrès quand il s'enflamme pour la beauté de la statue de Diane, que Vivant-Denon veut tout de suite, ses 900 pièces, veut tout de suite emporter en bloc. Et Amperius, le directeur de ce musée, décrit ce que lui dit, ou note ce que lui dit Vivant-Denon à cette époque-là, on est en 1807 à Brunswick. « Le pape, dit Denon, a encore à San Loreto une collection presque aussi riche. Il lui faudra la livrer aussi, et alors, de tout ce qui subsiste de ces objets, la plus grande partie sera entre nos mains, dit Denon. » Avec une avidité non moindre, il s'empara de la collection de travaux d'émail provenant de la fabrique de Limoges, qui était conservée également à Brunswick. « Ce n'est que sous cette forme, dit M. Denon, qu'ils seront enfin utiles au public. » Il prétendait que le meilleur usage que l'on saurait faire à Paris de tels monuments artistiques nous consolerait amplement d'avoir dû en faire le sacrifice. Donc ici, on est dans une configuration où un musée public, le musée Napoléon, se sert dans un autre musée public, le musée public de Brunswick, en disant « Bon, vous, à Brunswick, vous n'avez pas fait de gravure, vous ne les avez pas publiées. Quand ce sera à Paris, ces 900 pièces, on saura en faire un bien meilleur usage. La beauté appartient à celui qui sait la diffuser, qui sait lui donner une diffusion publique. » Ça, c'est le point de vue du vainqueur, de celui qui, en effet, se sert dans les collections des autres. À la même époque, on peut poursuivre et voir quelle est la vie des vaincus. Vous voyez ici à droite un buste de Frédéric Schiller, sculpté par le sculpteur Daneker, qui a composé l'un des poèmes les plus précis, les plus courts, et qui disent le mieux les choses, sur le point de vue des victimes à la même époque. Pour Schiller, je lis son poème de 1802, au moment où le musée Napoléon, la galerie des antiques du musée Napoléon venait d'ouvrir à Paris. Pour Schiller, dans ce petit poème qui s'intitule « Les Antiques à Paris », on peut lire « Que le franc, le français, conduise par la force des armes aux rives de la Seine les chefs-d'œuvre que créa l'art des Grecs et qu'il montre, dans des musées rutilants, ses trophées de victoire à sa patrie étonnée. Ils seront pour lui éternellement muets. Jamais, de leur piédestal, ils ne descendront dans la ronde animée de la vie. Celui-là seul possède les muses qui les porte dans son cœur ardent. Pour le vandale, elles ne sont que de la pierre. » Ici, la réponse est claire. À qui appartient la beauté? Elle appartient à celui qui la ressent dans son cœur et non pas à celui qui se l'approprie matériellement. Celui qui se l'approprie matériellement ne sait pas la faire parler, ne sait pas l'entendre. En revanche, quand on la fait parler, on n'a pas besoin de la voir vraiment. Alors, quand on entend cet argument, on est touché et on se dit oui, en effet, c'est la bonne raison, la beauté doit aller chez ceux qui la comprennent. Malheureusement, cet argument peut être retourné dans tous les sens, par les vainqueurs, par les victimes, et on le retrouve toujours. Vous voyez ici un extrait du journal Le Télégraphe de 2014, d'octobre 2014, un moment qui paraît 10 jours après la venue à Londres de l'avocate londonienne très médiatique Amal Alamoudine, qui venait à l'époque de se marier à George Clooney, et qui venait de Londres à Athènes pour voir avec le gouvernement grec comment négocier le retour des frises du Parthénon, exposées donc à Londres depuis le début du XIXe siècle. Et dans cet extrait de journal, dans cet article, on peut lire « Les marbres du Parthénon appartiennent à l'Angleterre, Madame Clooney », et en sous-titre, si l'épouvantable Lord Elgin n'avait pas pillé ses œuvres d'art, elles auraient pu se retrouver dans les fondations de certains stands de kebab à Athènes. » Alors là, on est dans la même logique. Il est très bon que ces œuvres d'art aient été conduites à Londres, nous dit le journal, puisque Londres portait ses œuvres de l'Antiquité dans son cœur et savait ce qu'elles faisaient, tandis que si on les avait laissées sur place, eh bien, elles auraient servi à n'importe quoi, en quelque sorte. Or, Cicéron, qui lui reprend le côté des possédés, on peut faire dialoguer ces sources ensemble. Lui, dans un autre passage de son dialogue, de ses discours contre Verrès, explique, dit que c'est un acte tyrannique, messieurs les juges, et inacceptable de la part d'un gouverneur dans sa province de dire à un homme honorable « Vends-moi tes vases », car cela signifie « Toi, Tu n'es pas digne de posséder des œuvres si belles, c'est à mon rang qu'elles conviennent. Et toute la discussion qu'on a actuellement sur nos musées en Europe tourne autour de cette question-là. Est-ce que les autres, ceux à qui on a pris ces œuvres à un moment de l'histoire, sont dignes, sont capables, sont en mesure, ont assez d'argent pour conserver ces œuvres, ou ces œuvres ne sont-elles pas de droit la propriété de ceux qui les portent dans leur cœur et puis aussi dans leurs ateliers de conservation, de restauration, etc. You are nothing, Labiche. A lump of flesh. The paintings are mine. They always will be. Beauty belongs to the man who can appreciate it. They will always belong to me or to a man like me. Now, this minute, you couldn't tell me why you did what you did. Je viens de vous montrer, on a fait un grand saut là, de Cicéron à la Deuxième Guerre mondiale, un saut qu'il faudrait justifier un peu plus longtemps, mais le temps nous presse un peu. On vient de faire un grand saut qui nous montre que cet argument selon lequel la beauté appartient à celui qui est capable de la comprendre, comme le dit ici l'officier nazi à Burt Lancaster dans le film The Train de Frankenheim à la fin du film. Ici, on voit bien que l'argument de celui qui sait posséder la beauté est retourné contre l'homme simple, le pauvre employé des chemins de fer, qui, lui, vient de faire dérailler un train dans lequel étaient embarquées des œuvres prises en France, à Paris, par les nazis pour être envoyées en Allemagne. Là encore, donc, la question qui se pose, à qui appartient la beauté, trouve une réponse dans ce film américain des années 60 qui fait un retour sur la question donc, de la Seconde Guerre mondiale. À qui appartient la beauté? Le nazi répond à l'homme de haut rang, de culture, qui sait l'apprécier, qui sait ce qu'il fait, alors que l'autre n'est, comme dit le nazi ici, qu'un tas de viande, qui ne comprend même pas ce qu'il fait en détournant un train rempli d'œuvres d'art. Mais la réponse du film, qui est du côté de Burt Lancaster, de ce Labiche, donc de ce employé des chemins de fer, la réponse du film, c'est non, non, la beauté n'appartient pas à ce nazi qui a le pouvoir et qui pense que la beauté n'appartient qu'à des personnes de haut rang, elle appartient bien sûr aussi à l'homme simple et honnête, au cheminot qui parle peu, qui dans cette scène même ne parle pas beaucoup, qui n'est peut-être pas cultivé, mais qui agit bien et qui, en particulier, engage sa vie et celle de ses camarades contre l'ennemi. Ce point de vue de l'homme simple est précisément celui qu'on peut utiliser ou qu'on entend utiliser dans les discussions actuelles, parfois en disant, voilà, nous, dans nos musées, à Paris, à Berlin, à Londres, nous avons les compétences technologiques, intellectuelles, pour conserver cette beauté, tandis que les autres, là d'où ça vient, n'ont ni la culture, ni la parole, ni les moyens intellectuels, ni financiers de mettre en valeur ces œuvres d'art. Or, le point de vue de l'homme simple est souvent repris alors, dans la littérature, dans les textes qu'on lit, dans les articles de journaux, mais aussi dans les films, et je prends volontiers l'exemple d'un dernier film ici, se joue en 1940, qui est un film de 1961, une coproduction du RSS et de RDA, un film intitulé « 5 jours, 5 nuits », qui se passe dans la ville de Dresde, complètement détruite, en 1945. En 1945, l'armée rouge arrive dans Dresde qui a été détruite pendant la guerre par les bombardements britanniques et retrouve les œuvres d'art de la galerie de tableaux de Dresde. Tout le monde en Allemagne en tout cas connaît cette histoire. L'armée rouge retrouve ces œuvres d'art de la galerie de tableaux de Dresde et les envoie à Moscou. Puis, une quinzaine d'années plus tard, ces œuvres ont été restituées à Dresde et au moment de la restitution à Dresde est paru ce film qui montre qui est un film de propagande de l'URSS pour justifier pourquoi les Russes avaient emporté chez eux à Moscou les tableaux de la galerie de Dresde. C'est une énorme production, la plus coûteuse de l'histoire du cinéma des années d'après-guerre entre l'Union soviétique et la RDA. On engage même Shostakovich pour faire la musique. Shostakovich est installé à Dresde pendant une semaine et s'occupe d'une musique symphonique pour ce film. Et vous allez voir que le film pose lui aussi et répond lui aussi à la question de à qui appartient la beauté. Понятно, товарищ капитан? Verstanden. Смотрю, вроде такая же гремучая. Genau so ein armes Ding wie meine Frau. Босая, малый на руках. Barfuß und den Kleinen auf dem Arm. Моих-то на казнь поди тоже босиком гнали. Sicher hat man sie auch so zur Hinrichtung getrieben. Товарищ капитан. Genosse Hauptmann. Может, почетный караул, где я? Vielleicht könnte man eine Wache aufstellen. Vous l'avez vu, alors pour un film soviétique, c'est étonnant, dans cette architecture qui rappelle plutôt l'architecture d'une église, on voit au moment où la Madone Sixtine de Raphaël, l'œuvre la plus connue de la galerie de Dresde, est levée par deux soldats qui sont en train de déplacer les œuvres d'art, on voit de simples soldats, un pauvre sergent et les autres qui tout d'un coup se taisent, entrent en dévotion, regardent avec la musique de Chostakovitch qui monte derrière et qu'on aurait pu entendre presque plus fort, entrent dans une scène qui est une scène quasi religieuse de vénération, et là le message est que même l'homme le plus simple, le moins cultivé, le soldat de base soviétique, est capable de recevoir la beauté qui est quelque chose comme une valeur universelle, la beauté de cette Madame Sixtine qui, dans le dialogue ensuite, est mise en rapport avec le sort des Russes pendant la guerre, puisque, comme vous l'avez entendu dans le dialogue qui est à la fois russe et allemand, le sergent explique que cette Madone aux pieds nus lui rappelle sa femme qui a été enlevée par les Allemands avec son enfant sur les bras et que les deux sont morts. Et il propose à ce moment-là qu'on mette des soldats devant cette œuvre d'art pour marquer la vénération du peuple russe. Tout à fait simple. Ce qui est intéressant, c'est le visage de cet observateur de la scène. C'est un jeune Allemand dont, qui ne parle pas. Peut-être que vous vous souvenez à l'instant précédent qu'il sourit à la fin de la scène. Et les didascalies, dans le scénario qui a été conservé, nous expliquent la chose suivante. Lorsque Paul, c'est un jeune peintre allemand résistant aux nazis, lorsque Paul apprend que les tableaux doivent être envoyés en Union soviétique parce qu'après les premières mesures d'urgence, ils ont besoin d'y être sécurisés et restaurés, il parle de vol. Il est scandalisé. Il parle de vol comme ont pu le faire nombre d'autres personnes à l'époque. Il ne voit pas que c'est le seul moyen de sauver ces tableaux. Mais lorsque le rude sergent Yefim Koslov s'émeut devant la Madame Sixtine, alors, enfin, le voile qui couvrait ses yeux se déchire. Il reconnaît la nature profonde des hommes qui ont apporté en cadeau, avec leur victoire, le respect et l'amitié et l'amour de l'art. Il comprend désormais l'importance de ce combat pour que la haine et la colère puissent disparaître véritablement de notre monde et pour que le passé puisse passer. Donc là, on est vraiment dans un film de propagande soviétique qui justifie la prise des œuvres en Allemagne où elles sont en 1945 et leur transfert à Moscou. À qui appartient la beauté? Ici, la réponse est double. Elle appartient à l'homme simple, d'une part, et elle appartient, d'autre part, à celui qui est capable de la sauver et qui est aussi capable de sauver des vies humaines. Je saute un long passage pour arriver, que je reprendrai la prochaine fois, pour arriver, puisque le temps qui nous est imparti est déjà achevé, pour arriver au programme de ce que je me propose de faire avec vous, d'évoquer avec vous. D'abord, on reviendra rapidement sur ce que je n'ai pas pu évoquer maintenant, qui est la question concrète des moyens de partage de ce patrimoine qui appartient à tous, mais qui, parce qu'il est réparti en objet unique, ne peut être qu'à un endroit, même si on pense qu'il appartient à tous. Et pour répondre à ces questions, j'aimerais prendre des objets concrets qui, dans les musées d'Europe, et en particulier dans les musées d'Allemagne que je connais mieux, font l'objet de revendications patrimoniales, font l'objet de propriétés multiples. Il s'agira du buste de Nefertiti et de la question de savoir est-ce qu'elle appartient à l'Égypte, est-ce qu'elle appartient à Berlin, est-ce qu'elle appartient à l'Europe, est-ce qu'elle appartient à l'humanité et comment répondre à ces questions complexes. On évoquera concrètement la frise du temple de Zeus de l'hôtel de Pergame, conservé au musée de Pergame à Berlin et qui est arrivé à Berlin à la fin du XIXe siècle. Il sera question du retable de l'agneau mystique de Gand, qui a fait l'objet de beaucoup d'allées-venues entre la France, l'Allemagne, la Belgique, depuis sa création par les frères Van Eyck. On reviendra plus en détail sur la Madone Sixtine de Raphaël et sur sa venue d'Italie en Allemagne, puis son départ d'Allemagne vers la Russie et son retour et la question des identifications multiples qu'elle a suscitées. Je reviendrai sur les questions des têtes de bronze de Jackie Chan et du pillage du palais d'été par les troupes anglaises et britanniques en 1860. Il sera question d'un tableau très, très, très, d'une icône de l'art français du XVIIIe siècle, l'enseigne de Gersin de Watteau, qui est, comme vous le savez, conservée à Berlin, mais que les Français, depuis qu'il est conservé à Berlin, depuis que Frédéric le Grand l'a acheté au XVIIIe siècle, aimerait bien récupérer. Vous voyez ici une photographie où il est présenté en 1951 au Petit Palais, dans une exposition où il a bien failli rester à Paris et ne pas être restitué à Berlin. J'évoquerai ce tableau de Klimt qui a été restitué à ses propriétaires, une famille juive, ses propriétaires légitimes à qui il avait été enlevé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est maintenant à New York. Il sera question de ce trône Bamileke qui fait l'objet actuellement de grandes demandes de restitution à Berlin et qui est arrivé à Berlin en 1904. L'ordre de ces objets et l'ordre chronologique de leur création, de Nefertiti, le plus ancien objet, au tableau de Klimt, et ici, en dernier, un aperçu sur l'Afrique. Et enfin, nous consacrerons avec Yann Potin, mon collègue Yann Potin des Archives nationales, une journée d'études intitulée « De la personnalité et du droit des objets à disposer d'eux-mêmes », où on voudrait s'interroger sur le fait, où on voudrait observer ce phénomène qui existe depuis l'Antiquité, des œuvres d'art qui parlent, des œuvres d'art ventriloques, qui donnent leur avis sur l'endroit où elles ont envie d'être. Alors vous voyez ici, par exemple, les bronzes chinois qui disent en chinois, en pleurant, « on veut rentrer à la maison », mais on trouve, bien sûr, un très grand nombre d'autres sources, y compris très contemporaines, qui font parler les statues, les statues ou les tableaux qui leur font donner leur avis sur l'endroit où ils veulent être. Et on aimerait s'interroger dans une perspective interdisciplinaire sur les conséquences que ça peut avoir juridiquement si de plus en plus on accorde aux œuvres une biographie, comme ça a pu être le cas ces dernières années, puisqu'on parle toujours et de plus en plus de vie sociale des objets. Puisqu'ils ont une vie sociale, alors ont-ils des droits? Et s'ils ont des droits, le droit par exemple de ne pas être séparés, de rester ensemble dans leur collection, etc. S'ils ont des droits, est-ce qu'un jour, ils pourront aussi décider eux-mêmes? Ou est-ce qu'il se peut qu'on pense un jour une formule qui donne la parole vraiment juridiquement aux objets et qui leur permettent de décider où ils veulent rester. Pardon d'avoir sauté un grand moment de ce cours, j'avais mal évalué l'heure qui nous était impartie, je ferai mieux la prochaine fois et je me réjouis de vous revoir avec Nefertiti. Merci. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 19 avril 2017 le cours de Bénédicte Savoie, À qui appartient la beauté, introduction. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo avec les œuvres d'art et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Bénédicte Savoie. Sa leçon inaugurale vient d'être publiée chez Fayard sous le titre « Objet du désir, désir d'objet ». Je rappelle également son ouvrage « Patrimoine annexé, les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800 » aux éditions de la Maison des sciences de l'homme en 2003. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Lundi, nous poursuivrons notre exploration du destin des œuvres déplacées en compagnie de Bénédicte Savoie. Rendez-vous à Berlin en 1913, quand le buste de Nefertiti, arrivée d'Égypte, bouleverse les Allemands du peuple aux avant-gardes. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.